édition de janvier 2014. Bonne année à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. J'espère que vous avez passé d'heureuses fêtes de fin d'année, sans tragédie, sans maladie ou gueule de bois trop sévère. Que 2014 vous soit favorable, plein de projets fascinants. J'ai décidé de vous présenter un bref bilan de l'année 2013, tant au niveau de l'auteur en moi qu'à celui des diverses productions audio des éditions de l'avenir. 2013 fut une grosse année de publication pour moi. Grand-père, mon petit roman pour enfants, avait connu une version audio-drama en 2010, mais la version roman était toujours inédite. Une version e-book Moby, parue chez Amazon en août, et la version EPUB en novembre sur le Kobo Store. Mon roman pour ados, Rio du Refuge, était tout à fait inédit avant sa publication en septembre 2013. Ce qui n'était pas le cas pour certaines des nouvelles de « Les chroniques de petite tête, l'omnibus », dont les premières avaient vu le jour en 1992, dans le premier titre des éditions de l'avenir. Enfin, en décembre, est sorti le PC Show avec Paul Courtemèche, script tome 1. Ceux et celles qui suivent nos activités audio connaissent déjà cette sitcom pour l'avoir entendue. Vous avez désormais l'occasion de mettre la main sur le texte, les 10 premières aventures de Paul Courtemèche étant réunies dans ce petit recueil. Pour plus de détails sur ces différents titres, je vous suggère de visiter mon blog personnel à christianmartin.canadblog.com. Côté audio maintenant. Qu'a-t-on fait en 2013? Eh bien, c'est poursuivi la mise en ligne de la version audio d'articles historiques tirés du volume 1, numéro 3, de l'édition du 8 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Il s'agit d'un journal hebdomadaire de la région de Sherbrooke, mais qui s'intéressait à ce qui se passait en Europe et beaucoup aux préoccupations des voisins américains. Apparut également deux contes tirés de « Contes du pays gallo » d'Adolphe Forain, « Cœur de pigeon » et « Jean Lébété ». En février, nous débutions la mise en ligne sporadique des nouvelles composant « Nouvelles histoires extraordinaires » de Edgar Allan Poe. 10 de celles-ci sont disponibles présentement. La suite, au cours de la prochaine année. Le mois de mars voyait le début de la quatrième aventure de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, version audio du roman de science-fiction d'André Bory. La diffusion s'est terminée le 30 mai. Le 13 juin, nous débutions la suite, Mazas Pavel 5, Le Danger sur Jésus passé, qui s'est conclu le 29 août. Mazas ayant occupé beaucoup de notre année, aussi 3 épisodes seulement de notre sitcom, le PC Show avec Paul Courtemèche, ont vu le jour en 2013. Les épisodes 12, 13 et 14. Début en septembre de la version audio des résumés Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Vénéreux. Entreprise à long terme prévue pour se poursuivre pendant des années. Autre entreprise qui s'étendra pendant des années, la version audio des relations des Jésuites concernant la Nouvelle-France, dont j'ai débuté la mise en ligne en décembre. Nul ne niera l'importance historique de l'œuvre, bien que les points de vue soient parfois biaisés. Mais quand ne le sont-ils pas? Il faut encore ajouter à cette liste les 12 émissions du podcast que vous écoutez en ce moment, de la 3e à la 14e de la série 2. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Authentique. Un ouvrier tombe du haut d'un clocher à 150 pieds dans l'air. En passant, il voit ses camarades et un cri du cœur lui échappe. Prenez soin de mon compte de tee! Jean Seb nous fait une rétrospective de ses capsules de la dernière année et nous parle de ses espoirs et projets pour la prochaine année. Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et si possible québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Bonne année tout le monde! Yay! 2014, plus d'un an déjà que je fais mes capsules nouveautés. C'est vraiment une fantastique aventure auquel je participe grâce à Christian Martin. Et je tiens à vous confesser que chaque mois, je suis aussi surpris que vous du résultat que donne la capsule. J'ai justement fait une rétrospective hier des capsules produites jusqu'à présent. Et oh wow, c'est pas si pire! Ben, quoique la dernière, j'avais un peu trop forcé sur les bases. Disons que ça fait partie de mon apprentissage. Vous savez, j'écoute une trentaine de podcasts réguliers chaque semaine. Il y en a autant en français qu'en anglais, même si je me concentre ici sur ceux en français seulement. Ben oui, je vous ferai peut-être part un jour de mes écoutes en anglais. Ne serait-ce que pour vous donner des idées de modèles à suivre et pour d'autres qui méritent, selon moi, d'y porter attention. Pour ceux d'entre vous, bien sûr, pour qui l'anglais n'est pas une barrière. Et tout ça, c'est à part les sagas que j'essaie de suivre et de découvrir du mieux que je peux. C'est certain que j'ai mes préférés, ceux que je déguste et savoure, ceux que j'attends avec impatience. Et je crois que pour ceux-là, vous pouvez le sentir quand je parle de ceux-ci. Il y en a plusieurs que j'écoute dont le sujet m'indiffère, comme ceux qui parlent de jeux vidéo, de films, de sport, de la politique. Mais les animateurs sont soit très bons ou ils ont des entrefilets qui m'interpellent tout de même. Bref, vous l'avez probablement déjà remarqué, je suis très peu à l'affût de ce qui touche l'actualité classique. En ce qui me concerne, c'est très rare que j'écoute du direct, que ce soit à la télévision ou à la radio. À moins qu'il s'agisse d'un événement spécial, j'enregistre puis j'écoute à ma convenance. Deux raisons principales à cela. Le martèlement des publicités et la programmation inadéquate pour mon horaire d'écoute active fortement limité. Bref, il y en a d'autres que j'écoute quand j'ai plus rien à écouter. Ben oui, ça prend des bouche-trous. C'est pas qu'ils sont pas bons, ceux-là je les flush assez rapidement. Ce sont d'habitude des intemporels qui s'écoutent sans prétention, un fond sonore qui m'est agréable, sans toutefois nécessiter un suivi rigoureux. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je parlerai de ceux-là aussi. Alors, au cours de ma dernière année, celle de 2013, pour ceux qui écoutent avec un certain décalage temporel, je vous ai parlé de, bien sûr, Netophonix, site dédié aux sagas françaises, dont je fais régulièrement des retours, car extrêmement variés et prolifiques, donc je ne vous referai pas la liste aujourd'hui. Vous avez eu droit à une entrevue avec Selkio et Riku, les parents de la saga Gensio Reva, et qui reste assurément à ce jour ma saga coup de cœur parmi toutes et qui est toujours en développement. J'ai survolé Audiodramax, un autre site de saga axé science-fiction pour celui-ci, plus professionnel, quoique beaucoup, beaucoup moins prolifique. Je vous ai aussi souvent entretenu de mon presque ami, si seulement ce n'était pas qu'il soit basé si loin, et qu'il ait bien d'autres amis plus interactifs que moi. Il est ici question de Walter Proof et de tout l'univers qu'il crée pour notre bon plaisir. Avec le Wewesh, dans lequel j'ai recommencé, soit dit en passant, à participer aux devinettes audio. C'est le seul podcast à ma connaissance qui permette à ses auditeurs de participer avec autant de latitude. Allez-y, asseyez-vous, pas besoin d'avoir une bonne réponse. N'oublions pas ici de souligner ces sagas très originales, soit la Breluche dorée, qui est malheureusement terminée, et la nouvelle saga qui est en route, soit la vie secrète de Colibacille, pour laquelle j'incarne encore une fois l'abominable professeur Glutamate. J'adore tellement ce personnage, là c'est un défoulement. Alors, par la suite, j'ai versé du côté des productions québécoises, dont le Québec en balado-diffusion, le Stream, Trois-Bières, l'Épée légendaire, Pas de problème, Radio Talbot, le 7e antiquaire, Mac Québec, Fun jouer jeu, la Commission des geekers, les Coulisses du rire, un peu moins active depuis j'en ai parlé, mais son blog, soit dit en passant, semble avoir eu quelques sursauts en décembre. Alors, j'imagine que l'audio suivra sous peu. Marie Jet Set m'a par contre amené à toucher, quoique subrepticement, à Radio Centre-Ville 102.3, CIBL 101.5. Et je vous invite encore une fois à poursuivre l'exploration de l'univers des radios qui diffusent certaines de leurs programmations sur le net. J'y reviendrai assurément, d'ailleurs, plus en détail sur ce thème dans un futur proche. Un autre de mes podcasts favoris à adopter sur iTunes, Nuit Noire. J'ai aussi souligné rapidement Convergence Numérique. Je vous ai invité à visiter le site libertv.com pour apprendre des trucs pour faire des effets sonores maison. J'ai découvert dernièrement Dominique Sicotte, qui fait deux fabuleux podcasts en affaires avec Passion et Passion Podcast. Je vais vous en reparler justement dans 15 secondes de ce gars-là. C'est sûr, il est la référence francophone pour ceux qui songent à faire un podcast. Ça nous fait donc tout de même déjà un assez bon palmarès à date et j'ai pas tout à fait terminé. J'ai aussi effleuré les communautés de podcasts, soit FreePod en Europe, au Québec, RZO Web et bien sûr Radio H2O, dont les éditions de l'avenir viennent tout juste de se joindre. L'histoire, au fait, c'est que Christian Martin m'a suggéré de leur tendre une perche, juste pour voir si on pouvait fitter avec une gang, et ils ont mordu. Ben oui, on rejoint EDDNP, le super matozoïde, Propos sur le bonheur, Deux filles en liberté et plusieurs autres podcasteurs qu'il m'attarde à connaître. Il me fera assurément plaisir justement de vous faire connaître chacun d'eux plus en profondeur au cours de la prochaine année. Pour l'année à venir, je crois que je vais continuer sur cette même lancée qui est de vous faire partager mes découvertes, mes coups de cœur. Je me fixe cependant comme objectif d'être plus présent avec vous sur les réseaux sociaux. Je voudrais en effet bâtir une relation plus intime et solide avec vous. J'ai pas beaucoup de temps avec la famille, le travail, le géocaching, l'Internet en général. Et c'est sans compter le temps que je passe, malheureusement comme plusieurs, à juste zioter paresseusement en soirée sur Google+, sur Facebook, Et surtout, c'est que j'ai pas de high patente androïdo ou chauve binoche truc du genre, permettant d'être constamment à l'affût de tout ce qui se passe. Mais je vais tout de même essayer de vous inciter à échanger avec moi, pour m'aider à justement sortir de ma manie de simple observateur. Jusqu'à présent, j'ai uniquement partagé le fruit de mes découvertes personnelles et il me reste encore pas mal de stock en banque. Mais j'ai besoin de vous pour m'aiguiller sur d'autres avenues. Parfois, un simple mot peut servir de déclencheur et une autre dimension tout à fait insoupçonnée s'ouvre droit devant. J'espère sincèrement que notre récente affiliation avec Radio H2O nous fera gagner des auditeurs. J'aimerais aussi toucher un peu plus la technique, les trucs de montage. Je sais pas encore quoi d'autre, là. Je me laisse souvent bercer au fil des mois. Cette année, j'ai aussi l'intention de partir, enfin, mon propre podcast qui sera probablement grandement inspiré de gens dont j'ai parlé. De Sylvain Grandmaison, du Québec en balado-diffusion, de Yann Thériault, du Stream, du PCC avec Pierre Journel, et de bien d'autres qui ont bercé mon imaginaire depuis environ 5 ans. Le concept exact, je ne l'ai pas encore entièrement défini. Je crois bien que ça ne le sera jamais totalement non plus. J'aimerais bien ne pas avoir à me limiter dans un cadre contraignant. Je veux pas trop m'avancer encore sur les détails. Mais je veux parler des passions qui m'animent. J'ai plein de choses à dire sur plein de sujets. Loin de moi, l'idée, bien sûr, de laisser tomber ma capsule nouveauté, mais j'ai envie de me faire plaisir, d'avoir mon propre show. Ça fait longtemps que j'y pense. Mon approche avec les éditions de l'avenir, c'était entre autres pour ça. Et grâce à mes capsules, j'ai découvert Passion Podcast avec Dominique Sicotte. Et j'ai confiance que ce gars-là va pouvoir me guider sur la mise en ligne prochaine de mon bébé chéri. Voilà, c'était mon introspection suite à ma rétrospective de la dernière et première année des capsules nouveautés de la seconde édition du podcast audio des éditions de l'avenir. Pour tout commentaire, suggestion sur ma capsule nouveauté, pour vous vanter de vos cadeaux de Noël ou juste pour jaser un brin de vos passions, quelle soit, ça va me faire plaisir de vous répondre. jshomel99@gmail.com. Encore une fois, bonne année 2014. Portez-vous bien, sinon faites-vous porter par les autres. Et c'est tout le temps qui m'est imparti. Je dois à présent redonner l'antenne à Christian. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. Merci aussi à Kevin MacLeod d'Incompetech.com pour la musique qui accompagne la capsule. Nous concluons ce mois-ci l'aventure de l'estrade agent très spécial. Attention, ça va brasser! Les éditions de l'avenir présentent les aventures de l'estrade agent très spécial par Christian Martin. La galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. Son patron, l'Estrade, agent spécial, le meilleur, le plus fin limier, il ramène toujours la rançon. Septième épisode, fin de mission. Dans les précédents épisodes, l'Estrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Après moult aventures, il la retrouve enfin dans le manoir du comte Ratula, sanglée et nue. S'ensuit une folle poursuite et Lès et Tnarchelaval parviennent à se réfugier à bord du coup de peau, la viseur de Lès, où ils découvrent, en écoutant les enregistrements des communications, que le véritable patron de Chapeau Mou n'est pas le comte Ratula, comme le pensait Lès, mais Tavernis, l'amant de Tnarchala. Pour inculper Tavernis, il décide de récupérer Chapeau Mou. Il retourne donc sur Gueuse. Les choses se déroulent comme prévu jusqu'au moment où, dans la chambre de Chapeau Mou, alors que Tnarchala et Lès s'apprêtent à s'éclipser avec le corps sans connaissance du chef du club des Longs Couteaux, des visiteurs se manifestent à la porte de Chapeau Mou. Alors, les choses se corsent. Et là, patron ? Crash, c'est la voix de Sammy Sow. Je parie que le club des Longs Couteaux au grand complet se tient derrière la porte. Une autre issue. Vite ! La fenêtre ! Patron ? Ce n'est pas l'idéal. Nous sommes au premier et moi, sans ma ceinture antigée... C'est pas normal ! Il a dit qu'il nous attendrait ! Il est sûrement là ! Va falloir se presser. Les Longs Couteaux n'attendront plus bien longtemps avant d'enfoncer la porte. Qu'est-ce que je disais ? Voyons ce qu'il y a sous cette fenêtre. Vision nocturne enclenchée. Par 007, tous les dieux et déesses du cosmos doivent se pencher sur nous, car 2 mètres plus bas, j'aperçois le toit de tôle d'une remise. J'espère seulement qu'elle est assez solide pour nous recevoir sans s'effondrer. Bon, il n'y a plus d'hésitation à y avoir. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le vois bien. Je balance Chapeau Mou. Par la fenêtre. À toi maintenant. Tu es complètement cinglé ? Tu n'as rien à craindre. Il y a une remise 2 mètres plus bas. Et c'est seulement de ne pas trop piétiner Chapeau Mou. Tu es certain que cette remise n'est qu'à 2 mètres ? Je ne la vois pas. La porte ne résistera plus très longtemps, tu sais. J'y vais. Désolé les gars, on remettra ça un autre jour. Pour l'instant, je suis un peu pressé. Attrapez-le ! Aide-moi à charger Chapeau Mou sur mes épaules. Oh. Tu le tiens bien ? Oui, allons-y. Ça y est. 2 des Longs Couteaux se sont décidés à nous suivre. Le 3e rebroussera sans doute chemin pour nous prendre à revers. Il faut rejoindre le glisseur avant qu'il n'y parvienne. Sinon, notre situation va vite devenir intenable. Je ne peux pas faire grand-chose pour le 3e larron, mais je peux toujours essayer de ralentir les 2 affreux qui nous poursuivent. Un petit coup de radiant. Je n'ai touché aucun des 2, mais au moins je les ai forcés à se plaquer contre la toiture. Tant qu'ils y resteront, ils ne nous poursuivront pas. C'est toujours ça de gagner. Ah, Knab attend au bord du toit de la remise. Où avons-nous débouché ? Ah, je me reconnais, c'est parfait ! Nous sommes arrivés directement dans la ruelle derrière l'immeuble. J'aperçois même notre glisseur, stationné 50 mètres plus haut. À plat ventre ! Ils osent nous tirer dessus ? Ils visent au-dessus de nos têtes, de crainte d'atteindre Chapeau Mou. Mais je ne me fie pas trop à leur talent de tireur d'élite. Pendant que je les distrais, pousse Chapeau Mou en bas du toit, dans la ruelle, puis rejoins-le. Je te suivrai tout de suite après. Compris. Tu y es ? Sna ? Crash ! Elle se débat entre les pattes de Sammy. Tout sort ce gros macaque. Pas le temps de tergiverser. Je ne peux pas tirer sur Sammy et risquer de toucher Tna. Les peaux seringues. J'espère qu'il reste suffisamment de soporifique. Juste dans la carotide. Crash ! Mais qu'attend donc le soporifique pour faire effet ? Il me tient dans une prise de l'ours. Impossible de me libérer. Il va me broyer les os. Le soporifique a fini par faire effet. Pas trop tôt. Malheureusement, ce pachyderme de Samy s'est écroulé sur moi. Il ne sera pas facile de m'extraire dessous ce mastodonte. C'est entendu. Régime minceur pour toi, Samy. Je me demande comment s'en tire Tna. Je reconnais le son du radiant que je lui ai prêté avant cette petite escapade. Elle a sans doute maille à partir avec les deux malfrats qui nous suivaient sur le toit de l'armise, à deux contre elle. Et eux, avec l'avantage de se trouver en hauteur, sur l'armise, elle risque de vite avoir le dessous. Il faut que je sorte dessous ce mammouth. Il roule. Encore un effort. J'y suis. Et maintenant, où en est Tna? C'est ce que je craignais. Elle est acculée dans un coin. Profitons du fait que personne ne fait attention à ma petite personne pour changer la donne. Gros yeux au turban. Dans le mille. En voyant le sort réservé à son copain, le dernier long couteau a pris la poudre d'escampette. Inutile de le poursuivre, il n'est plus dangereux. Ça va, Tna? Oui, pas de mal, mais j'avais hâte que tu te décides à me rejoindre. Désolé, notre ami Samy m'a donné du fil à retordre. Tu l'as tué? Non, il fait dodo. Bon, ce n'est pas tout. Il nous reste encore à regagner le coup de peau. Aide-moi à ramasser les vidanges, tu veux? Les vidanges? Chapeau mou. Il ne sera pas très en forme quand il se réveillera. Balancé d'une fenêtre sur le toit de tôle d'une remise, puis du toit de la remise directement dans un buisson de chardon. S'il est trop mal en point, je le confierai au médirobot du coup de peau. Oh, j'ai l'impression qu'il a pris du poids depuis le moment où je l'ai balancé par la fenêtre. C'est toi qui ramollis. Ramollis? Moi? Je voudrais bien t'y voir. Au lieu de dire des sornettes, ouvre la portière du glisseur que je dépose mon fardeau à l'arrière. Et voilà! À nous maintenant. Tu es bien attaché? Pourquoi tu t'attends à des ennuis? Pas particulièrement, mais de la façon dont les choses se déroulent depuis le début de cette opération, je n'en serais pas autrement étonné. Attention! Un autre glisseur vient de déboucher à l'extrémité de la ruelle! Il fonce droit sur nous! Crash! Tna, ça va? Rappelle-moi de ne plus jamais sortir avec toi. Quoi? Tu ne t'amuses pas? Moi qui croyais te faire plaisir. Peux-tu descendre? Ma portière refuse obstinément de s'ouvrir, à moins que tu ne préfères que je t'enjambe. Yes, ce n'est pas le moment. Double 07, les femmes. Reste là. Je vais voir dans quel état est notre assaillant. Son glisseur a frappé de plein fouet une muraille de plastométal renforcée. D'ici, l'arrière du véhicule semble sortir directement du mur. Voyons un peu si la portière... La portière s'est ouverte. Avec le choc de l'impact, j'aurais parié le contraire. Et maintenant, voyons un peu notre bonhomme. Pas très beau. Sous l'impact, les sangles ont cédé. Et il est allé se fracasser le minois sur le tableau de bord. Défiguré et méconnaissable. Ah ! Voilà qui est révélateur. Selon sa carte d'identité, il s'agit de Ryan Fox, pilote. Le nom ne me dit rien, mais Lolo, si. Ce vilain moineau était le quatrième homme des longs couteaux, celui qui a pris la fuite sur le toit de la remise. Chose certaine, il ne nous causera plus d'ennui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à le sortir de là. Il est coincé. Yes. Allez, viens là, doucement. Ça va aller. Ça va mieux ? Oui, merci. Et maintenant, sortir chapeau mou du glisseur. Il est grand temps de partir. Apparemment, quelqu'un du quartier a fini par se décider à appeler les autorités. Viens. Où va-t-on ? À la bouche de turbo la plus proche. Puis au coup de peau. Nous n'avons plus rien à faire sur Gueuse. La navette de l'amiral est amarrée, garçon. Parfait, Gus. Je vais accueillir nos invités. Ah, Les. Monsieur le ministre, je vous présente Lestrade, l'agent qui a retrouvé votre fille. Les, tu reconnais sans doute Monsieur Val, le père de T'Narchala. Bien sûr, Brun. Bienvenue à bord du coup de peau, messieurs. Monsieur le ministre, je vous sais impatient de retrouver votre fille. Elle se refait une beauté dans mes quartiers. Vous l'y retrouverez. C'est par là. Suis-moi au poste de pilotage, Brun. Nous serons plus à l'aise pour causer. Mon amiral ! Repos, matelot. Alors, ce plan ? Comme prévu, afin de ne pas éveiller l'attention de Davernis, une équipe arrivera sous peu pour maquiller le coup de peau après votre atterrissage sur Trajan. Sur un astroport privé ? Sur un astroport privé, l'agent se chargera de vous tenir à l'écart jusqu'au jour J, c'est-à-dire la soirée que donnera l'ambassade de Rerepi. Davernis y sera ? Tu en es certain ? Il n'en rate pas une. Par ailleurs, il a confirmé sa présence. Et le papa de la fifille saura tenir sa langue d'ici là ? C'est un politicien. Il a l'habitude des secrets. Soit. Ça va, ma chérie ? Tu es certaine de vouloir t'en tenir à ce plan ridicule ? Ce n'est pas un plan ridicule, père. Les, Gus, Brun et moi, nous avons mis des heures à le mettre au point. Ne t'en fais pas. Nous avons tout prévu. Nous y sommes. Prête ? Prête. nos invitations. Bienvenue à l'ambassade de Rerepi. Monsieur le ministre, Mademoiselle Val, bonne soirée. Darshala ? Darshala ? Que fais-tu ? Je cherche Cristobal Tavernis. Ah, le voilà. Tu ne vas quand même pas. Narshala, quelle joie de vous revoir. C'est épouvantable ce qui vous est arrivé. Ce kidnapping épouvantable. Il y a longtemps que vous êtes rentrée ? Hypocrite, goujat, traître ! Tu m'as fait enlever, livrer à un vampire, de tout organiser pour pouvoir faire pression sur mon père. Son enquête devenait un peu trop inquiétante pour toi, n'est-ce pas ? Il était sur le point de découvrir toutes tes magouilles. Comment ai-je pu m'imaginer que tu m'aimais ? Tu as bien profité de moi, salaud. Un vampire, ma chère, vraiment ? Mes amis, notre petite Narshala a vu un vampire ! Ma pauvre petite, ma pauvre et chère petite, l'épreuve a dû être terrible pour imaginer toutes ces accusations cruelles. Un vampire ! Salut, tu es en train de me faire passer pour folle devant tous les dignitaires de la planète. As-tu jusqu'à me faire enfermer à l'asile virtuel ? Mais très certainement, ma chère. Narshala ? Oh, papa ! Tavernis ! Non ! Narshala Val a des témoins de ce qu'elle avance. Donc ce charmant monsieur, tu le reconnais ? Non ! Ton principal lieutenant, Surgeuse, Naï Rush, alias Chapeau Mou, il nous a tout révélé. C'est par lui que tu as organisé l'enlèvement de Narshala Val. Vous ne m'aurez pas ! Viens ici, petite garce ! Pas question. Papa ? Joli coup, monsieur. Depuis le temps que ça me démangeait... Papa, tu as été formidable. Ma fille... Mademoiselle, m'accorderiez-vous cette danse ? Avec plaisir, monsieur Strad. Monsieur ? Oui, Gérard. Vous avez un appel, monsieur, de monsieur Yehed. Passe-le-moi, tu veux ? Bien, monsieur. Je te dérange ? Non, mais fais vite, j'ai un rendez-vous. Ça te changera des soirées devant ton holoviseur en panne. Ha ha ! C'est des nouvelles pour toi. Vas-y, je t'écoute. Tavernis a tout avoué. Avec le témoignage de Chapeau Mou, il n'avait plus le choix. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit tout. Explique. Il est mêlé à un tas de magouilles, dont l'espionnage industriel. Il est le responsable de l'envoi du droïde que tu as trouvé à l'usine d'Issup. C'est lui aussi qui a ordonné à Brejniaf, le vendeur de Lupdoc, de tripoter le fameux fichier des acheteurs de yachts. C'est tout ? Non, la liste est longue. Mais je veux juste ajouter qu'il n'est pas responsable de la maladie du comte, comme nous l'avions soupçonné. Il a su toutefois en profiter. S'il n'avait pas commis l'erreur d'impliquer ses propres hommes dans l'enlèvement, rien ne l'aurait lié aux événements et il aurait pu s'en tirer. Il lui aurait suffi de laisser le comte se charger entièrement du kidnapping. Parlant du comte, tu sais qu'il a porté plainte contre toi pour coups et blessures. Quoi ? Et pour sévices moraux. Quelle toupée ! Il semblerait que la perte de sa canine lui cause un préjudice sérieux dans la société gueuzoise. Alors ça, c'est le comble. Ne t'emballe pas, Alès. Tu as raison. Sûrement, avec le témoignage de Tna, il moisira dans quelques trous perdus. J'ai bien peur que non, mon pauvre vieux. La société gueuzoise protège férocement ses aristocrates. Toutefois, il sera confiné à Gueuze, à perpétuité. Si jamais on le surprenait hors planète, il serait immédiatement arrêté et mis au frais. De plus, tous les astroports de l'Alliance ont reçu la consigne. Tout engin spatial appartenant au comte est interdit de décollage et d'atterrissage. au cas où il réussirait à tromper l'astroport de Gueuse. Par double 07 patron des espions, c'est une sanction bien peu sévère pour kidnapping, séquestration, morsure et transfusion sanguine illégale. À mon avis, il mériterait qu'on lui casse toutes les dents et que l'on brûle sa garde-robe. Que veux-tu ? Nous ne sommes que des agents, pas des juges. Cela dit, je te laisse finir de te raser. Comment peux-tu utiliser un machin aussi barbare ? Tu risques de te trancher la jugulaire à chaque coup. Je suis tout de même plus adroit que cela avec une lame. Bonne soirée quand même, Don Juan. C'est ça. Encore mille merci de m'avoir amené ma fille, monsieur Strad. Mon devoir et un plaisir, monsieur, je vous assure. Oh, laisse. Vous avez toute ma gratitude, vous le savez. Bien sûr, monsieur. Aussi, j'espère que vous me pardonnerez. Quoi donc ? Eh bien voilà, lorsque Yed m'a dit qu'il vous avait chargé de ramener ma fille, je n'ai pu m'empêcher de faire mener une petite enquête sur vous. Sur moi ? Sur vous. Et j'ai découvert, monsieur Strad, que vous n'aviez pas payé vos impôts depuis que vous séjourniez sur Trajan. Pourtant... Je me suis donc permis de faire évaluer par mes services la somme que vous nous devez. Est-ce bien nécessaire ? Tout à fait. Voici d'ailleurs un formulaire dûment rempli. Si vous consultez la toute dernière ligne, vous verrez le montant de la somme due. Vous êtes sûr ? Sûr et certain, monsieur Strad. Alors, soit. Voyons un peu ce montant. Oh ! Mais, monsieur, vous voulez me saigner à blanc ? Les éditions de l'Avenir vous sont présentées le 7e et dernier épisode de l'Estrade, agent très spécial par Christian Martin. Fin de mission, avec Christophe dans le rôle de l'Estrade, Kael dans le rôle de Gus et de Gérard, Fred dans le rôle de Brunierhead, Florence dans le rôle de Tlarche à Laval, Quentin Fouville dans le rôle de Davernis, Gabriel Jean dans le rôle de Samisso, Bernard dans le rôle du ministre des Finances et Gabriel Jean dans le rôle du portier. Le thème musical de la série est interprété par Kael. La musique est de Christian Martin, sauf pour la valse du 7e épisode, qui est de Sibelius et dont l'enregistrement fait partie du domaine public. Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'avenir-audio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt. Ne manquez pas le cycle de nouvelles duquel fut tiré cet audiodrama. Gratuitement disponible en e-book sur Feedbooks à fr.feedbooks.com/userbook/22046/. En complément de programme, une nouvelle que j'ai écrite au cours des années 1990 et réalisée en audio vers 2009 ou 2010 pour audiocité.net. Pour audiocité.net, les éditions de l'avenir présentent La Terre promise. Un texte de Christian Martin, lu par Christian Martin, avec la participation de Fred et K00. La Terre promise. Rouge, rouge, rouge. Clignotement, alerte. Pas un son à part ce curieux grésillement provenant de derrière, à gauche. Et toujours, ce clignotement muet, rouge d'alerte. Comme une plaie ouverte d'où gicle le sang à chaque battement de cœur. Et l'autre, le voyant vert, s'entête dans sa constance, comme pour souligner encore le caractère d'urgence du clignotement rouge. Si, en ce moment, on me présentait un miroir, ma perplexité m'effraierait. J'ai toujours un air féroce lorsque je suis soucieux. Pourtant,